Quel plaisir de vous retrouver, chers auditeurs, chers amis, pour cette nouvelle édition d'Exocet. Exocet, l'émission qui vous parle d'étranges, de bizarres, de décalés, de surnaturels, souvent d'intéressants à chaque fois, j'ai envie de le dire. Exocet, l'émission où on apprend en s'amusant, avec à mes côtés Thomas. Bonsoir. Et aux machines, Mikaka. Bonsoir. Voilà, le trio gagnant, j'ai envie de dire. La semaine dernière, nous avions abordé les pratiques occultes, notamment le satanisme. On avait parlé de vaudou, on avait parlé de nécromancie. Nécromancie, merci Thomas. Et non pas de nécrophilie. Et non pas de nécrophilie, ça sera peut-être pour un prochain épisode, qui sait. Et donc, cette semaine, on va attaquer la deuxième partie des pratiques occultes. Et donc, on va parler... au cours de cette émission, de spiritisme, de chamanisme et de sorcellerie. De sorcellerie, merci Thomas. Et Shabalibada. Et on, ou peut-être pas, on va démarrer tout de suite donc cette émission avec Thomas qui commence avec la sorcellerie. Thomas ? Oui, je vais commencer avec la sorcellerie. Qui nous a préparé un joli petit dossier sur la sorcellerie. Un petit dossier. C'est bien. Avant de parler de sorcellerie, on va parler un petit peu de l'étymologie du mot sorcellerie, vite fait. Allons-y. Alors, dans différentes langues, le mot sorcellerie donc a plusieurs origines en fonction de la langue vers laquelle on s'oriente. Alors, si on prend les traductions allemandes, Hexe, alors je sais pas trop comment parler allemand, je pense que ça se dit Hexe en allemand, sorcellerie, dérive du mot Aix, comme Aix-en-Provence d'ailleurs, ouais. Qui veut tout simplement dire chèvre. Et en fait, donc tout ça, Aix, ça veut dire chèvre. Ouais. Et de tout ça, c'est une référence. Ça mérite qu'on s'y attarde une seconde quand même. C'est moins bien chèvre en Provence que Aix-en-Provence. Ah, c'est donc moins classe. Aix, c'est donc un mot allemand. Alors, H-E-X-E, c'est un mot allemand, ouais, qui découle directement de ex-latin A-I-X, qui lui veut dire chèvre, et tout ça, c'est une référence au monde pastoral. D'accord, c'est pour ça qu'en Allemagne, il y a Aix-les-Bains. Ben voilà, tout j'ai toujours cru, moi, que c'était en France, Aix-les-Bains, ouais, c'est en Allemagne. C'est en Allemagne, et donc Aix-en-Provence aussi tire son nom, donc de, ben, ça veut dire chèvre en Provence, grosso modo. Quoi. Aix-en-Provence, c'est en Allemagne. Est-ce que ça a un rapport avec quand on a une chérie, c'est plus notre chérie, on l'appelle, c'est une ex? Non, c'est on l'a rendu chèvre. Ah. Oula, ça va très très loin. Pourtant, tu nous avais dit que t'étais fatigué ce soir. Mais là, généralement, quand je suis fatigué, je suis lourd. Ça va très très loin. Alors, en espagnol, bruja, donc la magie se dit bruja, ouais. Ça vient directement du terme ibère bruxa, et mixé un petit peu avec du galicien bruxa. Donc, les deux sont très proches. Hein. De toute façon, Galice et Galice et la région ibérique. Galice et Futuna. Étant plus ou moins dans le même secteur, c'est normal qu'on retrouve. Trouve la même origine. Rien que l'étymologie du nom, déjà, c'est paranormal. Déjà, il y en a beaucoup. Hein, oui. Il y en a beaucoup. Et puis en anglais, witchcraft, donc pour le dernier en anglais. Donc witchcraft est tiré directement du vieil anglais et du mot wicca, qui est très connu et qui veut tout simplement dire homme chaman ou femme chaman. Tout ceci est lié au chamanisme. Tout ceci est lié au chamanisme. Dont nous parlerons en deuxième partie. Tout à fait, puisque le chamanisme fait donc partie intégrante de ce qu'on appelle la sorcellerie. Alors, qu'est-ce qu'un sorcier, en fait? Donc, selon le terme populaire, le sorcier, en fait, grosso modo, c'est un jeteur de sorts qui a recours à la magie noire. Alors, en fait, il peut être généralement spécialiste d'un domaine, comme par exemple le sorcier qui va permettre de communier avec les esprits, de communiquer avec eux, le sorcier qui va faire appel aux défunts, etc. Donc, chacun a un petit peu sa spécialité, et certains sorciers, par exemple, travaillent totalement dans la nécromancie et sont spécialisés, par exemple, dans l'animation des êtres morts. Donc, la sorcellerie, c'est encore quelque chose de très très vaste. Si on parle du point de vue anthropologique, en fait, le mot sorcier le sorcier peut recouvrir différentes fonctions, comme on l'a vu souvent dans des tribus primitives. Il est soit donc chaman et même souvent homme médecine. Donc il découle après sur la santé et il a un rôle en tant que conseiller santé, etc. Et en tant que même médecin dans ces tribus primitives. Alors, il faut savoir aussi que donc le sorcier existe également. Entre guillemets dans l'imaginaire, dans tout ce qui est livres, donc et les dernières en date, par exemple comme Harry Potter, etc. Ça n'a pas trop de rapport, mais c'est important de le souligner puisque Gargamel. Le sorcier a quand même un rôle très très vaste. Et voilà, ça peut partir de Gargamel au personnage d'Harry Potter, en passant par les chamans, vaudous, etc. Donc vraiment, c'est un spectre très large. Mais le sorcier, c'est obligatoirement quelqu'un qui sert de la magie noire ou pas? Alors c'est quelqu'un qui sert forcément de la magie noire. Après, là où les gens s'accordent moins apparemment, c'est sur ce qu'est réellement la magie noire. à savoir, voilà, est-ce que effectivement communiquer avec des esprits, comme prétendent le pouvoir faire certains sorciers, est-ce qu'on peut mettre ça sur le même plan qu'un sorcier qui prétend réveiller des cadavres, par exemple ? C'est voilà, c'est le, donc le débat porte là-dessus, mais en tout cas, pour la plupart des gens, pour la, même la communauté scientifique, à partir du moment où on utilise des espèces de pouvoirs un petit peu surnaturels, avérés ou pas, hein, et souvent pas avérés d'ailleurs, on est catégorisé en tant que sorcier. Et puis, comme on l'avait vu la semaine dernière quand on parlait de satanisme, l'image négative qui peut y avoir autour de la sorcellerie, des sorciers, des sorcières d'une manière générale, est due à cette campagne de diabolisation qui avait été menée donc au XVIe siècle par l'Église catholique pour donc dissuader les gens d'aller donc se fourvoyer dans un culte autre que le bon culte, en l'occurrence le culte du Christ, et donc tous ceux qui s'adonnaient à la magie, à la sorcellerie, à la Wicca, étaient mis dans le même panier, étaient mis dans le panier des satanistes et des adeptes du démon, et voilà pourquoi on en a brûlé des caisses. Voilà. Alors, puisque tu parles de sorcière, donc la sorcière, c'est un petit peu comme le sorcier, hein, c'est pas la peine de développer beaucoup plus, elle a juste un aspect légèrement différent, et ça c'est dû plus à la tradition littéraire et culturelle. La sorcière est quand même beaucoup plus perçue comme une sorte d'antithèse de la fée. Mmh. Ce qui n'est pas le cas du sorcier, qui n'a pas réellement d'opposition dans le monde imaginaire. La sorcière, elle, revêt un petit peu ce côté, elle a un inverse, et c'est la fée. Et ça, c'est assez commun dans la plupart des cultures, la plupart des traditions. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé exactement donc, en matière de sorcellerie? Tout a commencé en fait par des histoires de contestation du pouvoir religieux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, l'Église a entendu exercer un contrôle, donc ce que tu disais tout à l'heure, un contrôle absolu, donc non seulement sur tout ce qui était les contenus théologiques, hein, de la religion, mais également sur tout ce qui était mode de vie. Ainsi est apparue l'Inquisition, qui a tout simplement organisé au début du XIIIe siècle, qui a été organisé au début du XIIIe siècle par Grégoire IX, en fait, afin de lutter contre tout ce qu'ils appelaient les hérétiques. Donc les hérétiques, voilà, c'était un peu le gros panier dans lequel on mettait tous ces gens qu'on avait envie. Tous ceux qui ne sont pas chrétiens, voilà. C'est les hérétiques. C'est les méchants. Les infidèles, les hérétiques, de zigouiller, etc. Voilà. Alors suite au concile de Latran IV, alors là on rentre dans des trucs précis. Donc tout ça a été réellement bien mis en place et les premières victimes hérétiques qui ont bénéficié de ce traitement entre guillemets de faveur, si on peut appeler ça comme ça, ont été donc les Cathares, ouais, et les Vaudois. Donc on voit par exemple que ça, c'est deux peuples qui n'ont absolument rien à voir avec du satanisme ou du spiritisme. Ça a été tout simplement des ennemis qu'on a décidé de mettre dans le même panier que les autres afin de d'éliminer ce qui gênait. Mais les Cathares étaient gnostiques. Ils étaient gnostiques, ça c'est vrai. Les sectes gnostiques sont donc des mouvements religieux qui s'apparentent finalement à la religion chrétienne, mais qui considèrent que Dieu est maléfique en réalité, et que donc la création de la planète, la matière, est l'essence du mal, et donc il faut s'en détacher le plus possible. Et donc c'est vrai que quand on a ça en tête, ça doit être assez difficile à vivre, puisqu'on se dit tout ce qui est matériel, nous-mêmes donc sommes l'engeance du mal, et donc y penser rejoindre le divin et le sacré, le bon, en mourant par l'âme, par l'esprit. Et voilà, on est quand même loin d'autres hérétiques qui pourtant sont mis donc dans le même ensemble par l'Église, qui sont par exemple les chamans vaudous ou des choses comme ça. Ah donc oui. Voilà, on voit quand même que le spectre de ce qui est considéré comme hérétique est quand même très très large. Oui, c'est vrai, et que, voilà. Alors en fait, tout ça a amené beaucoup de contestations, hein, forcément c'est cette oppression qui s'est installée sur le monde, et en particulier de la part de beaucoup de femmes. Et donc en fait sont apparues des espèces de sectes féministes, on pourrait les appeler comme ça, dont une fameuse qui s'appelait le Libre Esprit, et en fait qui demande tout simplement une plus grande liberté des corps et des consciences pour les femmes, donc grosso modo qu'on laisse un petit peu faire aux gens ce qu'ils ont envie de faire, casser cette oppression. Et donc ces sectes-là donc ont touché particulièrement beaucoup de femmes, ce qui a conduit forcément à l'assimilation facile de, étant donné qu'il y avait beaucoup de femmes, les considérer comme des sorcières, c'était le moyen, le petit raccourci facile pour arriver à les éliminer et casser leur mouvement de protestation. En galvaudant en fait tout simplement des rumeurs, en propageant des mauvaises informations à leur rencontre. It's a witch. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été quand même très loin. Et en 1310, Marguerite Porrette, qui était une de ces féministes un petit peu avant-gardistes, a été brûlée suite à la publication d'un ouvrage qui a été publié et republié des centaines de fois, qui a très fortement marché, mais dans lequel, justement, elle contestait un petit peu l'Église et elle demandait à avoir la liberté de... Ça va faire un petit peu chanson traditionnelle française, mais la liberté de penser. elle demandait donc avoir des droits et pouvoir faire en grosso modo ce qu'elle voulait. Et donc, suite à ça, la réaction de l'Église ne s'est pas fait attendre. Et en 1326, donc, le pape Jean XXII, rédige donc un traité spécifique qui en fait range tout ce qui est sorcellerie parmi les hérésies. Donc ça y est, là les sorcières étaient regroupées comme étant des hérétiques, donc toutes ces femmes-là qui étaient gênantes pouvaient désormais être brûlées sans trop de problèmes, et c'est là qu'ont commencé les réelles persécutions sur les sorcières. Donc suite à l'ouvrage publié, il y a eu des arrestations systématiques dans toute l'Europe, particulièrement en Allemagne, en Suisse et en France, également en Espagne et en Italie. On parlera après un petit peu des États-Unis parce qu'il y a des passages très intéressants. Alors en fait, cette première vague a duré environ jusqu'en 1520. Puis il y a eu une seconde vague de 1560 à 1650. En tout et pour tout, on chiffre le nombre de victimes de ces vagues d'arrestations et de condamnations à mort entre 50 000 et 100 000, ce qui est tout simplement énorme pour l'Europe à cette époque-là. Alors voilà, pour les chiffres, un petit peu les données, il faut savoir que les victimes en procès de sorcellerie à cette époque sont à 80% des femmes, donc on voit très bien quand même le côté mesquin et macho un petit peu de ces procédures. Et en fait, elles appartiennent toutes en majorité aux classes populaires. On croise rarement quand même des hautes bourgeoises et ce genre de choses. Mmh. C'est souvent des mendiantes ou du entre guillemets petit peuple qui n'a pas les moyens de se défendre et qui est vraiment la victime facile. Alors ensuite, il y avait aussi forcément tout ce qui était les marginaux, donc tout ce qui était juifs, homosexuels, etc., mendiants, qui ont été mis un petit peu dans le même sac. Ça a permis d'assainir, selon leur vision, un petit peu l'Europe et de la débarrasser de tout ce qu'eux considéraient comme des mécréants et des ça, gens. C'est drôle si l'on peut dire, mais c'est un signe caractéristique des régimes dictatoriaux totalitaires. Et obscurantiste, puisque dès que on décide de faire le ménage, évidemment, c'est les marginaux, les minorités qui sont mises dans le même panier. Et sous Hitler, c'était les mêmes qui ont été envoyés au four. En l'occurrence, les juifs, les homosexuels, les mendiants, les gitans. Enfin voilà, et ça se retrouve au fil de l'histoire. Quoi. Là, à l'époque, c'était l'Église qui envoyait ces gens-là. Voilà. En reproduisant pour la première fois un schéma malheureusement que trop connu par la suite. Alors en fait, qu'est-ce qu'on a reproché concrètement aux sorcières, hein, quels étaient un petit peu ce qui était mis en avant? Alors on leur a reproché beaucoup le fait de faire entre guillemets une espèce de fausse concurrence à la médecine traditionnelle. Ça a été très mal accepté, en particulier le fait que souvent donc on considérait comme sorcières des femmes qui étaient tout simplement des sages-femmes et qui voulaient aider d'autres femmes à éviter de trop souffrir pendant l'accouchement. Enfin voilà, et donc ça a pas plu surtout à l'Église qui était très conservatrice, qui pendant bien longtemps et encore même maintenant pour beaucoup d'entre eux pensent que la femme doit souffrir parce que c'est normal et que ça fait partie de la mise au monde d'un enfant. Et donc tout ce qui allait à l'encontre de ce dogme un petit peu de la souffrance était considéré comme hérétique, comme de la sorcellerie, etc. Donc toutes ces femmes, sages-femmes, qui ont juste voulu aider d'autres femmes, sont parties et ont été brûlées comme étant des sorcières. On leur a reproché aussi beaucoup donc leur émancipation, ce que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir un petit peu une libre pensée, etc., de s'exprimer, d'avoir des opinions, des avis, d'intervenir même dans la vie politique. Et puis on leur a reproché leur sexualité, parce que souvent ça va de pair, donc qui dit émancipation dit aussi un droit à une sexualité épanouie comme elles l'entendent. Donc ça n'a pas plu. Et puis en dernier recours, forcément, on leur a collé le satanisme sur le dos, sans réelle preuve d'ailleurs ni quoi que ce soit, mais c'était le bon argument. Et puis la phrase un peu choc, regardez, elles sont possédées par Satan, etc. Voilà. Évidemment. Voilà, à l'époque, il suffisait de dire ça et la femme se faisait lyncher sur la place publique, il n'y avait pas de souci. Alors, ça, c'est ce qui concernait un petit peu l'Europe. Maintenant, sur les États-Unis, il y a un fameux épisode, Les Sorcières de Salem. Alors, est-ce qu'on fait une petite pause maintenant ou est-ce qu'on enchaîne sur Les Sorcières de Salem ? On va marquer un petit temps parce que c'est vrai que là le dossier est vaste. Le dossier est très vaste. Les sorcières de Salem, là, très très intéressant aussi. Donc là, ça va être le côté tout ce qui s'est passé aux États-Unis. D'accord. Donc cette fameuse chasse aux sorcières qui a marqué l'histoire américaine et même l'histoire mondiale tout simplement. Les sorcières de Salem, donc un épisode fameux de l'histoire coloniale des États-Unis. Ouais. En fait, qui a entraîné tout simplement la condamnation et l'exécution de personnes qui ont été accusées de sorcellerie. Et tout ça, c'est déroulé en 1962 dans le Massachusetts, principalement d'ailleurs. Et en général, ça a été analysé comme étant une des périodes de lutte les plus intenses et une des périodes de plus grande paranoïa de l'histoire, du monde même entière, mm-hmm. en tout cas du monde moderne, qu'on n'ait jamais connu, puisqu'à la fin, il y a quand même plus de 25 morts. Donc ce n'est pas rien. Ah, attends, donc il y a seul. Enfin, oui. Il n'y a que 25 morts. Il y a eu 25. Alors, il y a eu 25 qui sont mortes, brûlées, personnes, et il y en a d'autres qui sont mortes et enfermées en plus grand nombre, mais qui, elles, n'ont pas été condamnées. D'accord. Parce qu'en fait, donc vous verrez ça, les procédures, au bout d'un moment, ont été arrêtées par une administration qui a commencé à avoir flippé de voir tout le monde partir en prison. Oui. Donc, en fait, le nombre de victimes n'a pas. Enfin, a été quand même relativement important, hein, parce qu'il faut savoir que ça s'écoule sur peu de temps. C'est surtout l'ampleur des arrestations, etc., qui a été phénoménale, ouais. plus tous les lynchages publics, etc., qui forcément ne rentrent pas dans cette comptabilité juridique. Alors en fait, les faits... les sorcières. tout commence en 1962, donc à Salem Village, qui s'appelle aujourd'hui Danvers, tout simplement. Où en fait quelques jeunes filles ont eu des espèces de symptômes un petit peu curieux. Alors des villageois les auraient vus se déplacer sans bouger les pieds, d'autres les auraient vus à moitié voler, etc. Enfin pas mal de bruit ont couru sur ces trois jeunes filles. Et là, tout simplement, la communauté a demandé à ces jeunes filles, la communauté qui était à ce moment-là en plus en très mauvaise position puisqu'ils étaient assiégés par des Indiens d'un côté, etc. Enfin vraiment, il y avait une sorte de pression comme ça sur ce petit village colon. Et donc cette communauté a demandé à ces trois jeunes filles, tout simplement, qui leur avait jeté un sort. Donc elles-mêmes n'ont pas été vraiment considérées comme sorcières, elles ont été considérées comme des victimes de sorcellerie. Et c'est là en fait que tout commence, puisque durant l'hiver, l'administration va se mettre en place, les gens vont s'organiser, ils vont partir sur une véritable chasse aux sorcières, ils vont arrêter donc des premières personnes, alors sur des témoignages douteux, donc ceux de ces trois jeunes filles qui ont désigné apparemment des deux femmes et un homme qui avaient intérêt à disparaître. Apparemment on leur aurait mis une certaine pression sur les épaules pour citer ces deux personnes là donc les témoignages pas vraiment fiables. Et donc sur la base de ces trois témoignages, ils ont arrêté donc trois personnes. Et là en fait, la proposition qui a été faite a été quand même assez rapide, puisque ça a été soit vous mourrez tout simplement, on vous brûle en tant que sorcier, soit vous dénoncez d'autres sorcières ou sorciers, et dans ce cas là c'est la prison à vie. Donc forcément, par souci de survie tout simplement, car il vaut quand même mieux être enfermé à vie que condamné à mort, voire même brûlé vif, eh bien les dénonciations ont été bon train, et forcément des dénonciations fondées sur rien du tout. Donc les premières trois personnes ont été arrêtées, on dit oui, y a une telle, c'est des sorcières. Et puis ces personnes-là ont été arrêtées, on leur propose la même chose, est-ce que vous voulez dénoncer ou vous voulez brûler vif? Forcément, donc très vite ça a pris une ampleur phénoménale, des dénonciations dans tous les sens. Tout le monde était sorcier. sauf quelques rares exceptions, donc notamment un homme qui a lui été désigné comme sorcier au bout d'un certain temps. Et alors en fait, il faut savoir que dans le système judiciaire de l'époque, qui était fort sympathique, soit quand on était arrêté, on reconnaissait les faits, auquel cas on avait droit à un jugement qui nous condamnait à être brûlé ou à dénoncer, soit on reconnaissait pas les faits, et dans ce cas-là, on était enseveli sous un tas de cailloux jusqu'à ce que le tas de cailloux fasse pression sur le thorax et nous étouffe, et qu'on meure dans d'affreuses souffrances. C'est ça qui est magnifique. Donc c'était ce qui était valable aussi sous l'Inquisition. Soit on avouait qu'on était hérétique, et dans ce cas-là, donc on était torturé, soit on n'avouait pas, et donc on était torturé. Voilà. Pas tellement le choix, quoi. Donc là, le choix était assez restreint, et lui, donc ce fermier qui a été dénoncé en tant que sorcier a tout simplement dit eh ben écoutez, moi je reconnais pas les faits. Et il a tenu comme ça plus de 20 jours, enseveli sous le tas de cailloux, yes. Avec la pression sur le thorax. Mais il a tenu aussi longtemps parce que c'était un sorcier. C'est, à mon avis, c'est l'explication. L'autre intérêt aussi là-dedans, dans le fait que, bon, alors là, c'est un peu du juridique de l'époque, ça n'a plus vraiment trop rapport avec les sorcières, mais c'était intéressant. En fait, apparemment, certains pensent qu'il n'aurait pas accepté de se reconnaître coupable parce que dans ce cas-là, c'est l'État en fait, qui aurait repris tous ses biens, ses terres, etc. Ouais, alors qu'en étant non coupable, enfin en se désignant comme étant non coupable, il mourait, mais au moins le patrimoine restait dans la famille, etc. D'accord. Donc il aurait peut-être un petit peu souffert pour ses enfants, ouais, etc. Pas mal. Donc c'est assez joli. Donc le phénomène prend comme ça une ampleur phénoménale, des arrestations dans tous les sens, des premières sorcières et sorciers, quelques sorciers, mais essentiellement des sorcières brûlées sur la place publique, etc. Lynchées, remises à la vindicte populaire et vraiment du gros travail d'extermination. Et puis au bout d'un moment, ça a fini par inquiéter quand même l'État fédéral qui était un petit peu en train de se constituer, les pouvoirs un petit peu supérieurs, qui sont aperçus que à ce rythme-là, comme disait Mikaka tout à l'heure, tout le monde allait devenir sorcière et sorcier, puisque tout le monde balançait tout le monde à tout va. Et donc ils ont décidé de mettre un terme à toute cette approche de sorcellerie, etc. Ce qui n'a pas réellement calmé la population, qui a continué à brûler des sorcières, mais par contre a eu un effet assez étonnant, c'est que certaines personnes ont fini par se regrouper et revendiquer le fait qu'effectivement c'était des sorciers ou des sorcières, et ont demandé au moment de la constitution des États-Unis à ce que donc en fait leur religion entre guillemets soit reconnue comme une religion d'État, comme il en existe beaucoup aux États-Unis. Donc ça c'est pas passé, mais le spiritisme et la sorcellerie est devenu quelque chose d'assez courant, et à la fin du 19e, on s'est retrouvé avec un mouvement spiritique aux États-Unis absolument hallucinant, avec des centaines et des centaines de milliers de membres de par le pays. Donc ça a eu cet effet un petit peu étonnant, et donc l'affaire des sorcières de Salem s'est un petit peu étouffée d'elle-même, comme ça, est morte dans l'œuf. Il y a eu, c'était une grande période de crise, de paranoïa généralisée, qui a découlé sur des choses horribles, et même encore maintenant, il y a pas mal de retombées de cette affaire-là, puisque dans l'imaginaire collectif, etc., c'est resté. On voit toutes les références qui existent aux sorcières de Salem, même dans les plus pitoyables séries de sorcellerie. Balance le nom. On nous en parle. Non, je ne balancerai pas le nom. Donc voilà, grosse période de l'histoire américaine, si ce n'est une de ses plus importantes, au moins une du top 10. Et donc voilà. Et pour moi, la meilleure parodie qui reste sur les sorcières et l'inquisition, c'est dans les Monty Python, le film Sacré Graal, un passage où ils désignent une femme comme sorcière et ils l'ont affublée d'un nez, d'un faux nez. Et ils cherchent le moyen de vérifier que c'est une sorcière et donc, le même poids qu'un canard. L'Église dans son entièreté a été victime de cette paranoïa anti-hérétique, anti-sorcière, puisque donc apparemment ça a émigré de l'Europe catholique jusqu'à la jeune Amérique protestante, et c'était aussi le cas chez les anglicans, puisque donc voilà, Sacré Graal des Monty Python, ça se passe en Angleterre, c'est le cas pour l'Église en général. Il y avait cette peur du culte démoniaque de la sorcière. En fait, cette peur s'expliquerait par un moment une prise de conscience mondialiste de la religion, c'est-à-dire que pendant très longtemps l'Église a pu imposer son dogme, par exemple, sur la vieille Europe, sans trop de difficultés. Et puis, dès que le monde s'est agrandi et qu'on a découvert d'autres cultures, d'autres façons de vivre et de penser, ça a forcément provoqué un choc qui s'opposait souvent très fortement au dogme qui était présent en Europe. Et l'Église a sans doute eu un petit peu peur de perdre pied dans tout ça, que sa religion passe à un second plan, voire un troisième ou quatrième face à cette toute nouvelle religion qui arrivait, etc. Et donc a décidé de réagir très fort et de faire un blocus sur tout ce qui pouvait être autre que religion catholique. Il y a un truc très drôle, c'est que l'histoire semble vouloir se faire pardonner auprès donc des adeptes de la sorcellerie en général, puisque sur le plan culturel, aujourd'hui, la sorcellerie a plutôt une connotation positive. On le voit avec donc des séries à succès comme Charmed, comme Harry Potter, etc. Donc aujourd'hui, la sorcellerie a une bonne image. Bah, en fait, Elle a une double image qu'elle n'avait pas à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, la sorcellerie était forcément mauvaise. Il n'y avait pas de bons sorciers. Parce qu'elle était affiliée aux démons. Et là, au fil des années, c'est vrai qu'il y a deux groupes de sorcières et sorciers qui se sont créés. Le truc, c'est que l'Église, au lieu de reconnaître qu'à l'époque, ils avaient été un petit peu excessifs et que donc ils avaient condamné un petit peu rapidement tous les gens qui ne croyaient pas en leur propre dogme, ils persistent et signent puisque l'Église s'oppose, par exemple, au succès d'Harry Potter. L'ancien pape Jean-Paul II lui-même voyait d'un mauvais œil donc le succès qu'il pouvait y avoir autour d'une série de livres et de films, donc il glorifiait la sorcellerie, en fait toutes les pratiques hérétiques, alors que bon, là pour le coup, c'est vrai qu'ils auraient pu un peu se calmer en se rappelant des gens qui sont morts pour rien voilà des siècles, parce que ce qui est certain, c'est que les sorcières n'ont jamais tué autant de monde que les chrétiens de l'époque, et que donc les soldats de l'Inquisition. Ça c'est une certitude, et donc voilà, c'est marrant de voir qu'aujourd'hui l'Église persiste et signe et continue à s'opposer à la sorcellerie comme si c'était le culte du démon, alors que non, c'est une pratique spirituelle proche de la nature, et donc ça manque flagrant de culture. Patrick, tu es un sorcier. Dans l'autre sens, les gens qui se revendiquent comme étant sorcières ou sorciers ont aussi de toute façon cette opposition par rapport à la religion, car il y a très peu de sorcières qui considèrent que leur façon de vivre et de penser peut être en accord avec une religion monothéiste. Oui, parce que c'est une religion panthéiste. Donc l'opposition de toute façon vient aussi des deux côtés. Les sorcières et les sorciers en eux-mêmes n'ont pas envie non plus forcément d'être intégrés dans leur religion catholique, ça ne les intéresse pas plus que ça. Mais bon, c'est vrai que de leur côté, on pas massacré des prêtres. Voilà, on est bien d'accord. Et c'est vrai qu'il y a l'opposition entre, d'un côté, le culte monothéiste et donc le culte panthéiste, qui voit donc de la divinité de partout, dans les arbres, dans les pierres, dans l'air. Et donc voilà, finalement, c'est une guerre de religion entre David et Goliath. Puisque là, très clairement, les groupes hérétiques ne pouvaient pas lutter contre les armées de Dieu. Hein, on va le dire comme ça. C'est clair. Et on a terminé avec les sorcières de Salem. Mmh. Et donc, à présent, je vais vous parler de chamanisme. Et donc, quand Thomas a commencé à parler de sorcellerie, il a fait justement le lien avec le chamanisme, puisque, en fait, le chamanisme est la forme de spiritualité la plus ancienne connue. Et la sorcellerie, les pratiques donc, de Wicca et autres, découlent directement du chamanisme. Alors, par rapport au chamanisme, c'est un système de pratiques magiques, donc symboliques, spirituelles, qui est répandu surtout dans les sociétés traditionnelles sibériennes à la base. Ça vient avant tout de Sibérie, de Mongolie, enfin, dans le secteur, quoi, dans cette région-là. Et les gens froides. Et donc, le chamanisme constitue même la religion officielle des peuplades traditionnelles mongoles et sibériennes. Alors, le chamanisme réunit les choses au lieu de les séparer, c'est ça le credo, et l'enseignement est donné par les esprits. Voilà, l'idée derrière le chamanisme, c'est que donc le sorcier chaman communique avec l'au-delà, communique avec les esprits. Alors, on observe des pratiques analogues chez de nombreux peuples, donc à commencer par les mongoloïdes. Parce qu'il y a beaucoup les mongoloïdes. Alors oui, c'est vrai que ça peut être drôle dit comme ça, mais donc c'est les peuplades donc proches de la Mongolie, et puis avec des traits mongoloïdes, donc des traits mongols. Et donc il y a beaucoup de tribus, donc beaucoup de rituels différents liés autour du chamanisme. Et une autre culture où le chamanisme était présent et tente de survivre dans la modernité est celle des Indiens d'Amérique du Nord. Donc le chamanisme amérindien d'Amérique latine, lui, en revanche, reste très vivant, hein, puisque il y a notamment des pratiques thérapeutiques liées à l'ayahuasca, qui est donc une substance hallucinogène très puissante, qui sont étudiées avec intérêt par des thérapeutes contemporains. Et il y a notamment le documentaire D'autres mondes, réalisé par Yann Kounen, qui est très intéressant à ce sujet, puisque donc Yann Kounen, le réalisateur de Blueberry, qui a fait un documentaire autour donc du chamanisme d'Amérique latine, basé donc sur les trans avec de l'ayahuasca, donc cette substance hallucinogène, et il a lui-même fait l'expérience, donc on voit ça dans le documentaire, ainsi que les témoignages de thérapeutes, de médecins qui se posent beaucoup de questions sur la connaissance qu'ont les chamans d'Amérique latine sur les effets des plantes. Donc voilà. Alors le chamanisme, comme je le disais, c'est la spiritualité la plus ancienne connue, puisque depuis quelques années, donc des paléontologues considèrent que certaines peintures rupestres seraient liées à des rituels de type chamanique. Donc déjà les hommes préhistoriques, ça serait finalement la première forme de religion. Donc le chaman est la personne qui, dans les sociétés traditionnelles, peut se mettre en rapport avec ce qu'on appelle chez nous, en tout cas l'au-delà, le monde des esprits. Donc pour ce faire, il a la possibilité de quitter son corps. Alors, il se consacre souvent à la guérison des maladies. Le chaman, c'est un peu le sorcier, le marabout. On retrouve ça voilà, dans toutes les cultures tribales, un petit peu. Et on considère parfois que le chaman se met aussi en rapport avec l'au-delà par le moyen de songes, de visions ou de pratiques médiumniques, donc possession par des esprits, parce que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, le chamanisme n'est pas essentiellement basé sur la prise de psychotropes, sur la prise de produits hallucinogènes, mais parfois sur la pratique donc de transe hypnotique, etc. Ça nécessite pas forcément d'absorber de la drogue, on peut juste se mettre en transe. Il y a différentes techniques. Voilà. Alors donc le chamanisme est né chez les chasseurs-cueilleurs du paléolithique, donc. Et à l'époque, le chamanisme avait pour but de répondre aux besoins essentiels, c'est-à-dire trouver du gibier, bien évidemment. Donc les peuples de Sibérie ou les Indiens d'Amérique du Nord qui vivaient de la chasse, forcément se servaient du chamanisme, puisque donc ils croyaient que les animaux étaient animés par des esprits. Et donc le chaman rejoignait les animaux dans le monde de l'au-delà, hein, dans le monde du surnaturel. Alors pour ce faire, il devait se transformer lui-même en animal. Le chaman, donc partir dans le monde des esprits et épouser la fille de l'esprit donneur de gibier, pour voir s'il y avait moyen de négocier éventuellement. Et donc l'esprit lui servait de guide, parce que donc ça on le retrouve dans la culture chamanique, c'est que les esprits servent de guide au chaman. Donc voilà le guide dans cette dimension parallèle. Je comprends l'absorption de drogue. Et alors attention, puisque donc ça c'était au paléolithique et le passage au néolithique a transformé donc la pratique du chamanisme. Donc le néolithique c'est quand on a commencé à se poser nous les hommes, parce que avant évidemment on était des nomades vu que on courait après le gibier finalement et puis on se posait là où était le gibier. Le néolithique marque l'apparition de la sédentarité. On a commencé donc à avoir du bétail et à se poser. Donc le passage au néolithique avec la naissance de l'agriculture provoque une importante mutation du chamanisme, puisque là la survie de la communauté ne dépend plus des esprits des animaux, mais des esprits humains et notamment ceux des ancêtres, donc qui connaissent les pratiques médicales, qui peuvent apprendre aux nouvelles générations. Alors le monde des esprits qui était confiné avant à la forêt s'étire vers le haut et vers le bas pour devenir donc une sorte d'enfer et de ciel. Et donc ce monde-là est perçu comme étant une sorte d'échelle que le chaman donc monte et descend à loisir à partir de ses transes. Et donc il y rencontre des entités des mondes supérieurs et inférieurs, des esprits, et il ramène de cet au-delà des conseils, des soins, des pouvoirs magiques, des expansions de conscience, etc. Donc il y a toute une mythologie autour de ça. Alors pour effectuer un soin, le chaman entre d'abord dans un état de conscience modifié par le biais donc soit de transe et d'extase provoquée par des techniques de respiration, par de la musique. On pense notamment aux derviches tourneurs qui rentrent en transe en tournant sur eux-mêmes avec de la musique. Donc il y a ces techniques-là, donc la danse, voilà, ou l'utilisation de plantes psychoactives. Hein, généralement, ça marche mieux. Donc cet état est censé. Moins besoin de tourner. Voilà. Ouais, 5 minutes que je tourne, ça marche enfin, pas. Ça dépend. Tu peux faire tourner aussi, c'est différent. Alors cet état est censé lui permettre d'accéder au monde de l'au-delà, au monde des esprits, et il est souvent aidé par un ou plusieurs alliés, alors que ce soit des animaux, des plantes, parce que les plantes ont aussi des esprits dans la mythologie chamanique. Et il doit faire face, le chaman, à la maladie de son patient, qui peut être visualisée sous la forme d'un monstre ou d'un mauvais esprit. Donc il visualise littéralement le mal, et donc ensuite il utilise des techniques qui sont choisies en fonction à la fois de sa culture et de la situation, puisque donc il y a différentes techniques, différents rituels. Et donc ça peut aller de l'aspiration du mauvais esprit au don d'énergie. Donc le chaman donne son énergie au malade, et donc ensuite il faut qu'il récupère un petit peu, mais le malade en sort guéri. Et à la fin du processus, donc le patient est souvent censé avoir récupéré un morceau de son âme qui lui aurait été volé par un esprit maléfique, ou avoir fait sortir hors de son corps un mauvais esprit qui était là et qui n'y avait rien à foutre, finalement, un squatteur de l'au-delà. Mais il a perdu une partie de son porte-monnaie aussi. Mais enfin bon, attention, l'ayahuasca. On va parler de l'ayahuasca, puisque c'est quand même une facette très intéressante de tout ceci. L'ayahuasca, ouais, c'est donc la substance hallucinogène très puissante qui est utilisée par les chamans amérindiens. En fait, c'est pas celle-là, la plante hallucinogène. Oui. Ils en mélangent deux. Voilà. L'ayahuasca... J'allais y venir. Voilà, c'est ça. J'allais y venir. C'est oui, là que tout donc, le génie des chamans, d'ailleurs. Oui. Oui, donc, parce que donc là, c'était Stéphane qui vient d'intervenir, qui sort un peu de nulle part. Stéphane, le fantôme. D'Eddie Rock, qui s'intéresse au sujet, qui est donc venu dans le studio avec nous. Et donc, j'allais y venir... Stéphane, effectivement, l'ayahuasca, donc, c'est le breuvage hallucinogène qui est pris par les chamans, mais donc il est composé de deux plantes, alors on va y revenir. Donc, c'est une substance qui est aussi bien utilisée par les chamans du bassin amazonien donc, que par des thérapeutes nouvelle vague, New Age, et donc par des réalisateurs de cinéma hein, comme Yann Kounen, et puis par toute une frange de bobos finalement, ou de jeunes intellos qui veulent s'essayer à certains paradis artificiels exotiques. Et donc voilà. En sachant que c'est quand même assez dangereux puisque la substance est très forte et que donc ça nécessite d'avoir un guide, un chaman justement pour savoir où on va, sinon c'est le mauvais trip assuré bien évidemment. Oui, c'est illégal. Depuis peu d'ailleurs. Voilà. Alors donc au-delà du phénomène de mode actuel, on est en présence quand même d'un produit assez troublant, assez mystérieux qui a suscité autant de débats que le peyote qui était donc la drogue qui a été popularisée par Carlos Castaneda, donc qui prenait du peyote, qui était donc cet ethnologue sud-américain qui a été initié par un chaman justement. Le peyote, c'était aussi c'est un champignon hallucinogène que prenait aussi Jim Morrison. Voilà, il se faisait bien plaisir, le Jim. Et on voit ce que ça donne. Et ou le LSD, aussi qui a fait polémique avec donc Timothy Leary. On en avait parlé dans une émission spéciale contre-culture. Donc l'ayahuasca est en train de susciter des polémiques à peu près aussi importantes que ces deux produits-là. Alors pour parler en termes de chimie, pour bien comprendre, les principes actifs de l'ayahuasca sont surtout le DMT et l'armaline. Voilà les deux substances. Alors le DMT, il est présent naturellement dans le cerveau en tant qu'hormone cérébrale avec une structure chimique très proche de la sérotonine, hein, qui est la molécule du plaisir. Hein, c'est une molécule qui est responsable du plaisir avec d'autres hormones comme la dopamine ou l'endorphine. Voilà. Donc il y a du DMT, de la psilocybine, qui est la substance active qu'on trouve dans les champignons hallucinogènes. Et donc on y trouve aussi, alors excusez-moi, j'y étais il y a à peu près une seconde, l'armaline. Voilà, l'armaline qui est contenue dans une autre plante. Alors le truc, c'est que cette combinaison a été découverte par les chamans d'Amérique du Sud, alors qu'il y en avait des millions de plantes dans la forêt amazonienne, il y en avait énormément. Et donc les thérapeutes actuels, les médecins se disent, mais comment est-ce qu'ils ont réussi à trouver les deux plantes qu'il fallait pour donc créer l'ayahuasca? Parce que ce qui se passe, si on prend du DMT pur, c'est que donc on hallucine effectivement, mais c'est très bref, c'est très rapide, parce que donc la substance est éliminée par une enzyme qu'on a naturellement nous dans l'estomac, et il se trouve que l'armaline, l'autre produit qui est contenu dans une autre plante, annule les effets de cette enzyme. Donc il fallait quand même trouver, sur les millions de plantes qu'il peut y avoir dans la forêt vierge, deux plantes qui contenaient les deux substances qui pouvaient donner l'ayahuasca. Alors quand on demande au chaman d'où vient cette connaissance, bien évidemment, donc c'est des réponses mystiques. Ils disent que c'est l'ayahuasca lui-même qui leur a dit les plantes qu'il fallait prendre. Ça, ils l'ont trouvé il y a des siècles. L'esprit de l'ayahuasca, voilà, il y a des siècles que ça existe et que c'est pratiqué. Et donc l'origine de cette combinaison est perdue aujourd'hui. Il ne reste plus que des interprétations mystiques. Encore une fois, ils disent que c'est l'esprit lui-même de la substance qui leur a expliqué quelle plante prendre. Voilà, pour eux, il n'y a pas de place au hasard. Les Indiens savaient ce qu'ils faisaient quand ils ont créé cette ayahuasca. Et donc cette thèse selon laquelle les Indiens savaient très bien ce qu'ils faisaient parce qu'ils peuvent lire dans la forêt comme dans un livre, elle est devenue tellement à la mode, cette thèse-là, que donc il y a de puissantes firmes pharmaceutiques qui ont envoyé des bataillons de botanistes et d'ethnopharmacologues. Alors c'est une discipline qui a été créée pour la circonstance, ethnopharmacologues. Donc ils ont été envoyés par des groupes pharmaceutiques pour piller le savoir pharmacologique des Indiens d'Amazonie et de certaines tribus dans les jungles de Bornéo. Voilà, et le pire dans cette histoire, c'est que on imagine volontiers qu'ils envoient des spécialistes pour piller les recettes et les breveter éventuellement pour ensuite attaquer les chamans en leur disant attention, c'est nous qui avons les droits sur ce truc-là. Et donc il y a eu des affaires similaires, notamment avec l'ayahuasca. Il y a eu des conflits en justice, puisque donc les entreprises pharmaceutiques disaient on a déposé le brevet sur cette substance, vous n'avez plus le droit de vous en servir sans nous donner de l'argent donc pour soigner les malades. Donc c'est vrai que c'est quand même assez dégueulasse hein, quand on y pense, c'est immonde. Et donc voilà où ça en est actuellement. Le chamanisme d'Amérique du Sud est très en vogue, plus que jamais. Donc c'est le chamanisme sûrement le plus vivant à l'époque. L'héritier direct de cette tradition millénaire qui remonte à la préhistoire. Et donc, aujourd'hui, le chamanisme est loin d'avoir livré tous ses secrets, puisque Oui, Thomas. Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est ce qui me dérange un petit peu, enfin, comme à chaque fois, hein, c'est le côté sceptique de l'émission. Nous l'assurons. C'est donc le chamanisme, moi, ce qui me dérange à chaque fois un petit peu. Donc, au point de vue médicinal et tout ça, c'est clair que je pense qu'ils ont des connaissances que même nous, on n'a pas encore eu la chance de pouvoir découvrir, par le simple fait qu'eux étaient sur place, donc ils ont découvert des bonnes plantes, etc. Mais ce qui me dérange à chaque fois un petit peu dans ces pratiques, c'est le côté mystique à chaque fois qui est emprunt derrière. Ils auraient très bien pu avoir une médecine performante avec les produits qu'ils utilisent en tant que chaman sans mettre autour tout cet aura. C'est pas si simple parce que c'est pas la substance qui soigne, c'est le trip finalement du chaman qui va donc chercher les esprits qui sont dans le malade. Parce que donc voilà, c'est toute une mystique. Le chaman dans la culture amérindienne, c'est considéré comme un médecin. Hein. C'est un médecin. Les gens y vont quand ils vont mal et. Voilà, mais dans l'histoire du chamanisme d'une manière générale, le chaman, c'est un sorcier, un médecin, un marabout qui est là pour soigner. Et donc là, l'idée, c'est que c'est pas la plante qui soigne, loin de là, puisque l'ayahuasca, ça fait gerber, ça rend malade. L'idée, c'est donc de propulser le patient dans ce monde des esprits, en étant guidé par le chaman. Il pourrait très bien gérer la situation. Oui, mais il pourrait très bien donner la substance. Ça, certainement, sans faire la mise en scène, entre guillemets, qu'il y a autour. Ça aurait sans doute le même effet bénéfique. Ah non, on ne donne pas de substance. Parce que l'effet n'est pas bénéfique en soi, puisque si on prend de l'ayahuasca, qui est donc une substance hallucinogène très puissante, sans guide derrière, sans chaman. Qui n'est pas une drogue, hein. Ça a été prouvé scientifiquement. C'est pas une drogue dans le sens où il n'y a pas de dépendance. Il n'y a pas de dépendance, il n'y a rien de nocif pour l'organisme. Voilà, il n'y a pas de dépendance, effectivement. Et donc, si un jeune Européen, aujourd'hui, curieux de savoir ce que ça fait prendre de l'ayahuasca seul dans son coin, c'est le mauvais trip assuré, puisque donc c'est très très puissant, et il y a des visions d'horreur, etc. Et tu peux devenir schizo si jamais t'es pas accompagné. Tu peux péter les plombs totalement, et donc il faut ces chamans-là derrière pour guider, pour rassurer. Et donc, dans le documentaire, justement, de Yann Kounen, D'autres Mondes, c'est très troublant de voir les patients en pleine expérience donc chamanique, avec le chaman qui chante, qui explique ensuite qu'il est en train de guider le patient dans le monde des esprits, etc. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des visions qui se répètent, quelle que soit la culture du patient, donc des visions de reptiles notamment. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'ayahuasca, donc cette substance, est-ce qu'elle elle fait tout simplement péter les plombs, comme n'importe quelle substance hallucinogène, et donc s'en suivent des visions, des hallucinations, ou est-ce qu'elle donne effectivement accès à une sorte de dimension surnaturelle dans laquelle donc les patients se retrouvent, puisqu'ils parlent souvent de mêmes images, de mêmes symboles vus dans leur transe. Ils matérialisent leur peur, en fait. C'est voilà, très, très souvent, ils parlent donc de monstres, de démons, de créatures qui matérialisent le mal, la peur. Et donc, c'est très troublant. Alors, évidemment, le credo d'Exocet, c'est de démystifier et de ne pas se lancer dedans. Mais là, effectivement, le chamanisme, c'est très troublant. Parce que, notamment, Yann Kounen, donc, dans son reportage, explique que lui, quand il est allé en Amazonie pour faire cette expérience, il était très cartésien, il avait la tête sur les épaules, et que sa perception de la réalité avait changé, avait été fortement ébranlé parce qu'il avait vu des choses qui allaient à l'encontre de sa raison. En même temps, donc les perceptions qu'on a, si elles sont communes, ça peut être dû tout simplement à la substance qui est commune. Si les perceptions, les hallucinations qu'on a en prenant de l'ayahuasca sont communes, ça peut être dû aussi au fait que donc la prise du produit, c'est le même produit, et que donc c'est ce produit-là qui produit ce type d'hallucination. Je suis pas sûr que des personnes qui prennent du LSD, par exemple, aient toutes les mêmes visions. Mais en même temps, c'est sur combien de personnes qui a eu les mêmes visions, quoi. C'est normal, surtout si on arrive sur un état de transe et qu'il y a un chaman qui te chante quelque chose. Oui. Autant c'est son chant qui t'amène vers là, quoi. Mais cette vision. Le truc, c'est que le chant des chamans, donc étant langue locale, hein, et que quelle que soit la culture des patients, c'est les mêmes images qui reviennent. Donc j'ai lu le livre aussi d'une jeune parisienne qui était très loin de tout ça, donc très cartésienne aussi, qui est partie là-bas parce que donc elle avait eu quelques soucis familiaux, elle avait perdu un proche, donc elle est allée là-bas parce qu'elle savait plus trop quoi faire de sa peau. Et là elle explique donc les différentes tripes qu'elle a vécues. Elle avait jamais pris de drogue de sa vie, et elle parle donc d'images, de symboles, de situations qui étaient vécues par tous les autres patients. Et donc c'est très troublant parce qu'on a l'impression effectivement qu'il s'agit d'un monde fixe et pas d'hallucinations aléatoires, parce qu'effectivement, comme le soulignait Stéphane, quelqu'un qui prend du LSD, il n'y a aucune chance a priori qu'il vive les mêmes tripes et les mêmes visions que quelqu'un d'autre, puisque ça dépend de ta culture, ça dépend de la situation. Alors que là, dans le cas des tripes à l'ayahuasca, c'est souvent les mêmes images, les mêmes situations. Donc voilà, tu noteras que sur le LSD, il n'y a généralement pas de t'es pas guidé, quoi. De voilà, t'es pas guidé, t'as pas de mise en scène autour. Le gars prend du LSD et on le laisse faire, enfin, on le laisse partir dans son trip. C'est vrai aussi. Alors que là, on essaie de donner une orientation, forcément, puisqu'on ramène tout, on rapproche tout au chant du chaman, etc. Voilà, mais alors ça, justement, comme je le disais, là, le chant du chaman, il n'est pas dans la langue de la personne qui tripe, tu vois, donc il se contente de faire des chants traditionnels, mais il dit pas, il dit pas à la personne, en tout cas dans ce que j'ai pu lire et voir, c'était pas le cas. Il dit pas à la personne, tu vas voir ça, attention ça. C'était après qu'il expliquait. Genre les patients disaient, ah, j'ai vu ça, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. Le chaman n'avait pas l'air surpris. Genre c'est toujours pareil, c'est toujours comme ça. Ça c'est parce que c'est ça, ça c'est parce que c'est ça. Donc ce qui est troublant dans cette pratique là, c'est qu'effectivement, on a l'impression que les personnes qui prennent l'ayahuasca sont emmenés vers une sorte d'univers fixe, l'univers qui est appelé l'univers des esprits par les chamans. Et si l'univers fixe en question, c'était pas tout simplement notre inconscient, c'est-à-dire qu'une grande majorité des gens, genre 95%, ont les mêmes peurs, les mêmes phobies, etc. Alors, mais je pense que c'est ça, ça ouvre des portes sur l'inconscient. C'est très possible aussi, et c'est pour ça que l'idée derrière le chamanisme, c'est aussi d'explorer son moi intérieur, voilà. Donc de se retrouver confronté à ses propres démons, ce qui de toute manière peut médicalement être très intéressant. Ça s'apparente à de la psychanalyse d'ailleurs, quelque part. Mais effectivement, et dans le documentaire, on peut le voir, il y a beaucoup de psychanalystes. Qui ont fait des parallèles, qui ont jeté des ponts entre chamanisme et psychanalyse, psychothérapie, puisqu'il y a beaucoup de liens, notamment sur l'exploration du moi. Et donc voilà, c'est très troublant. Et donc le chamanisme est loin d'avoir libéré tous ses secrets. Voilà, cette substance aussi. Ouais, c'est surtout ça le bilan, c'est qu'il y a à mon avis encore beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre, absolument. Et c'est vrai que le documentaire D'autres mondes de Yann Kounen est très très intéressant pour ceux que ça intéresse sur le chamanisme. En tout cas, c'est assez fascinant. Ouais. La première information bizarre de cette semaine, chers amis, c'est la première radio pour chiens. Alors c'est pour ça que j'en parle, hein, parce que donc Wolf Radio. Finalement c'est pas vraiment de la concurrence pour nous, hein, puisque c'est une radio pour chiens, on ne s'adresse pas à des chiens. Tu n'imagines pas le nombre de chiens qui écoutent Exocet, Patrick. C'est vrai, je ne me l'imagine pas. Eh bien voilà. Alors c'est une radio donc qui a été lancée en Thaïlande, ça s'appelle Dog Radio, Thaïlande, .com même d'ailleurs, il y a un site internet, dogradiothaïlande.com, et donc sur cette radio, croyez-le ou non, il y a des DJ qui aboient, qui jouent des morceaux instrumentaux ou vocaux. Ils ont donné star là-bas. Pardon ? Non, rien, ils ont Johnny Star là-bas. Johnny recruté. Joey Star. Oui, c'est vrai qu'il aboie pas mal, mais je ne sais pas s'il est allé. Alors, donc, le directeur de cette radio, hein, qui s'appelle Anupan Bonchuen, croit donc que la musique a des effets sur le comportement canin. Et il a dit : j'ai remarqué que les chiens répondaient à la musique, hein, leur queue bouge. Il y en a qui bougent leur tête, qui s'allongent sur le sol. Il faut savoir que cet homme a une école de toilettage pour chiens. Et il dit : à mon école de toilettage, on trouve que c'est plus facile de s'occuper des chiens quand ils écoutent de la musique. Donc ils sont plus obéissants, ils nous laissent trafiquer leurs poils. Et donc il se trouve qu'il y a 10 étudiants de cette école de toilettage donc, qui ont été engagés pour faire les DJ. Et ils aboient au milieu des morceaux, mais c'est quand même surréaliste. Et donc le directeur dit, attention, il faut donc qu'ils aient une certaine psychologie de l'animal, hein, qu'ils sachent donc s'exprimer. Qu'ils sachent aboyer. Par rapport aux chiens. Donc voilà. Tout à fait. Parce qu'on ne place pas le WAF n'importe quand. Dog Radio Thaïlande. Alors oui, absolument. Donc il faut savoir que donc, chez nous, ici à Raj, nous avons une stagiaire thaïlandaise. Donc on en parlera avec elle, hein, de Dog Radio Thaïlande. C'est quand même assez surprenant. Alors, la deuxième histoire. Je croyais que tu allais dire qu'on avait des chiennes. Non. Je n'irai pas jusque-là. Alors donc, la deuxième histoire, c'est l'histoire d'une habitante de Los Angeles qui était à l'origine de plusieurs procès liés au manque d'accès aux lieux publics pour les handicapés. Et cette Californienne donc était déjà recherchée pour fraude dans l'Oregon et l'État de Washington. Et donc elle était l'objet d'une enquête pour faux témoignage. Alors elle a été donc arrêtée par la police dans son fauteuil roulant et elle s'est levée subitement du fauteuil. Elle a pris ses jambes à son cou et elle a tracé. Donc c'est là qu'on a compris qu'elle n'était pas vraiment handicapée, cette femme. Elle a été rattrapée dans le couloir de l'hôpital, elle a été incarcérée et en attendant son transfert à San Bernardino dans le sud de la Californie, où elle est accusée de faux et usage de faux, vol avec préméditation et fraude à l'assurance. Donc en gros c'était une escroc, une femme escroc. Donc elle portait plainte pour toucher du pognon sur un faux handicap. Quoi. Probablement, oui c'est ça. Et donc elle était dans son fauteuil et quand elle s'est fait arrêter par les flics, et bien du coup elle s'est levée, elle a tracé. Donc c'est quand même assez cocasse, j'imagine qu'ils ont mis un petit moment à s'y faire avant de partir derrière, et qu'est-ce qui se passe. Et donc voilà. Un miracle. Miracle. La troisième histoire, c'est une histoire de cambrioleur. Un cambrioleur gentleman. Cambrioleur, c'est un petit peu le Arsène Lupin de la semaine. C'est un cambrioleur de de Corée du Sud qui s'appelle Lee Jin-si. Et donc, il a massé pendant plusieurs heures une femme de 35 ans qu'il avait ligotée après être entré par infraction dans son appartement du centre de Tokyo. Alors, là, l'apprenti masseur hein, donc, lui a volé l'équivalent de 1480 euros, ainsi que sa carte de crédit avec laquelle il a retiré 6920 euros. Et donc, à la demande de sa victime, le cambrioleur lui a réexpédié sa carte par la poste. C'est classe. Et le jeune cambrioleur. Il n'avait pas mis de timbre. Voilà, possible. Alors, le jeune cambrioleur Lee Jin-si, un sud-coréen de 29 ans, a donc reconnu le cambriolage et il a expliqué à la police qu'il s'était attardé dans l'appartement et avait massé sa victime pour la détendre un petit peu. Parce que, bon, c'est sûr que ça a dû faire des émotions. Donc, il s'est arrêté, il a massé un peu et il s'est barré. Vous inquiétez pas, madame, il y aura une assistante psychologique qui suit derrière. Hallucinant. Alors, on a du mal à imaginer que ce soit par courtoisie, quand même. C'était sûrement un petit pervers qui a dû kiffer de tripoter. C'est une fille attachée, ouais. Voilà. Ou quoi. Il l'a massé pendant qu'il l'a massé le pognon. Eh oh là là, ça fait beaucoup d'amassage. Ça me fait penser à un truc comme ça, vite fait, oui. Qui arrivait à des amis à mes parents. Ils se sont fait piquer leur bagnole et ils ont attendu 2 jours et ils l'ont retrouvé avec un mot sur le pare-brise et le plein fait. Et sur le pare-brise, il y avait marqué un truc genre merci pour la voiture, un truc comme ça, et avec le plein refait. C'est alors. Donc, si tous les voleurs étaient comme ça, ça serait cool. Comme quoi, ça arrive. C'est un emprunt. Nous avons ensuite donc un amoureux assez déçu parce que sa copine l'a largué finalement. Donc elle a refusé sa demande en mariage. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté la bague qu'il avait achetée pour l'occasion, une bague d'une valeur de 700 euros environ, et l'a jetée dans le bol d'un mendiant dans la rue. Donc ce mec, le mendiant en question s'appelle Tim Pocket, et donc il arrivait pas à croire à la chance qui était la sienne. Donc quand il a retrouvé un diamant au bout d'une bague dans sa gamelle, et donc il est tellement honnête, ce mendiant, c'est quand même beau, ça regarde un peu ça. Il est allé à la police pour donner la bague. Il a dit regardez ce que j'ai reçu. Alors au début il pensait qu'elle valait rien, cette bague, hein, il croyait que c'était du toc. Et puis donc là il a appris que sur cette bague qui était donc en or blanc, il y avait un diamant de 2,5 carats, donc ce qui représente beaucoup d'argent. Et si la bague n'est pas réclamée dans les 28 jours, il aura le droit de la garder. Ça sera évidemment le don le plus gros qu'il a jamais eu. Donc la police a dit oui, on va quand même laisser ce délai de 28 jours parce que apparemment le gars qui lui a donné ça, il a dû faire ça dans un moment de désespoir. Donc si jamais il revient sur sa décision, ça serait quand même bien qu'il puisse récupérer sa bague. Donc voilà, dans 28 jours, on saura si comment s'appelle-t-il, Tim Pocket aura gagné sa bague. Le mec, il est au courant et il attend 27 jours et il y va en regardant bien le clochard. 23h50. Ah le salaud. Je viens chercher ma bague. Je rentre, tu rentres pas. Alors, vous connaissez sans doute, hein, si vous êtes fidèle de Exocet, vous connaissez le cannibale de Rothenburg, hein, bien évidemment. On l'avait invité. Armin Meiwes. Alors, c'est vrai que bon, on en a beaucoup parlé dans Les Insolites parce qu'il a fait beaucoup parler de lui. Et c'est probablement l'histoire la plus trash, la plus extrême, la plus incroyable que j'ai pu raconter, je pense, en tout cas, dans tous ces Exocet. Alors, donc, rappelez-vous, hein, je rappelle un petit peu les faits. Armin Meiwes, c'était donc un ingénieur de 44 ans, allemand, qui avait envoyé des petites annonces sur internet disant qu'il recherchait un jeune homme prêt à être mangé par lui. Donc il a trouvé un homme, un certain monsieur Brands, un homme de 43 ans, un ingénieur informatique. Donc c'est vraiment pas ceux qu'on croit, hein, qui sont les plus barges finalement. Donc il a accepté. Quoique les ingénieurs informatiques, ouais. Voilà. Donc l'ingénieur en question a accepté l'idée d'être mangé. Alors donc il a pris contact avec le cannibale Armin Meiwes. Ils se sont donné rendez-vous dans une grosse maison. Là, ils ont coupé donc le pénis de la victime consentante. Ils l'ont mangé ensemble. Ils ont filmé le tout et ensuite donc le cannibale l'a conservé dans un frigo. Il a chopé 2-3 morceaux, etc. Bon, je ne vais pas rentrer plus avant dans les détails. Donc ça, c'était donc en 2004. Et à l'époque, donc Armin Meiwes, le cannibale, avait été condamné à 8 ans et demi de prison. Alors pourquoi si peu? Parce que pour la première fois dans les annales du droit allemand, l'avocat avait plaidé l'homicide avec consentement. Ah, c'est vrai que ça n'arrive pas tous les jours. Et finalement, c'est ce qui avait été retenu, un homicide involontaire, alors que pourtant le tueur a bien tué, mais c'était avec le consentement de la victime. Ouais, mais attends, ça c'est un peu apparenté à de l'euthanasie. L'euthanasie est interdite et l'homicide avec consentement est moins puni. C'est vrai. Alors maintenant, je sais pas quel est l'état de l'euthanasie en Allemagne, si c'est légalisé ou pas. Non, je crois pas, mais l'euthanasie, ils doivent le considérer comme un homicide avec consentement dans ce cas-là. De toute façon, l'euthanasie, je pense que je sais pas où en est la loi par rapport à l'euthanasie en Allemagne. C'est vrai que nous, en France, on est toujours en retard sur ce genre de sujet tabou par rapport aux autres pays d'Europe. Donc peut-être qu'en Allemagne, c'est déjà accepté, je n'en sais rien. En tout cas, là, pour le coup, ils avaient considéré ça comme un homicide involontaire. Donc il y a un juge qui a estimé que la sentence avait été un petit peu trop indulgente quand même, donc il a demandé à refaire un procès. Et là, donc, les procureurs ont dit que Armin Meiwes avait donc un fétichisme donc de la chair humaine et qu'il recommencerait à frapper. Et donc il y a une vidéo qui montre donc Meiwes durant ses actes de cannibalisme, qui était un peu au centre finalement de l'affaire, hein, puisque c'est vrai que c'est ce qui a pu choquer vraiment le jury et les intervenants. Donc sur cette vidéo, on voit clairement que Meiwes tue sa victime pour son propre plaisir sexuel. Donc c'est vrai que pour faire plus barré que ça, plus barge, plus pervers, il faut se lever tôt. Et donc là, l'avocat de Meiwes a dit que bon, c'est vrai qu'effectivement son client avait un petit goût prononcé pour la chair humaine, mais qu'il n'était pas un danger pour la société. Voilà, bon, il fait son métier, l'avocat, en même temps, il fait ce qu'il peut. Et mais ça risque rien. Et donc, oh. Pas parce qu'il a bouffé son copain, vous allez quand même pas. Merde, et donc, il y en a bien qui bouffent du lapin. Et il faut savoir qu'il a donc été condamné à vie pour le coup. Ah, là, il a été condamné à vie. Donc voilà. Ça n'a pas marché. Il y a peu de chances qu'il bouffe encore un jeune ingénieur en informatique. Ah, ça lui a peut-être coupé l'appétit. Ah, c'est fort possible. Et donc voilà, c'est une histoire qui reste une des plus incroyables de la justice allemande. Donc imaginez donc ce meurtre, ce cannibalisme avec consentement de la victime. Enfin, ça dépasse l'entendement. Moi, à l'époque, je me rappelle que bon, évidemment, moi, je trouve que c'était normal qu'il ait. Bon, alors 8 ans, c'est pas beaucoup, mais qu'il ait eu des circonstances atténuantes. Et effectivement, vu que l'autre personne était consentante, oui. Bon, après, ce qui est horrible, c'est que bon, il bouffe et tout ça. Bon, c'est un personnage dégueulasse. C'est la folie, la cruauté extrême qui est punie là, c'est quand même dingue. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, voilà. Ce qui m'avait moi choqué à l'époque, c'était bon, évidemment, le comportement de Meiwes, le fait qu'un mec soit assez barge pour pouvoir bouffer un gars. Et puis être assez barge pour te laisser bouffer par un gars aussi. Voilà. Mais c'était surtout l'autre qui m'avait échappé, quoi. Là, j'avoue que je comprends pas comment est-ce qu'on peut aller jusqu'à accepter d'être mangé. C'était peut-être un suicidaire. C'était peut-être un suicidaire ou alors ouais, mourir. Oui, mais apparemment dans ce genre de truc, lui par exemple, celui qui s'est fait manger, il était fan de se faire manger. Il en a ressenti en fait un plaisir puisqu'ils ont dégusté, comme tu dis, son pénis ensemble. Ouais, et tout. On a parlé d'une forme aiguë, extrême de sadomasochisme. C'est même plus l'extrême là, c'est le maximum. On a parlé de ça, voilà. On a parlé de sadomasochisme extrémiste, hein, puisque c'est vrai qu'on peut demander aussi. Le pénis. On peut se demander pourquoi certains masochistes donc se font cogner pour la douleur, ça peut nous échapper. Donc là, c'est vrai que ça nous échappe de la même manière finalement. Comment ce quelqu'un soir, peut accepter... on mange mon pénis, chérie. Hein, tu préviens les enfants, pas de ketchup. Voilà. Donc voilà pour cette affaire, il est donc condamné à vie. Bon. Une autre histoire donc plus légère, c'est l'histoire d'un journaliste qui s'appelle Christopher Dowse. C'est un journaliste de rock et donc avec un ami à lui qui s'appelle Rad Scabies, qui est un leader du groupe de punk The Damned, donc un groupe anglais, donc tous les deux ils ont entrepris de trouver le Graal, le sacré Graal. Ah ben oui. Alors ils ont même écrit un bouquin à propos de ça, donc un livre sur leur recherche acharnée du Graal, et c'est très sérieux. Et donc par exemple ils sont allés à Rennes-le-Château, notamment Rennes-le-Château dont on avait parlé dans Exo 7. Oh là là, mais on a parlé de tout dans Exo 7. L'abbé saunière de Rennes-le-Château est réputé pour avoir donc découvert le Graal. Et c'est pour ça donc qu'il se serait mis tout à coup à vivre comme un roi avec des fonds qui sortaient de nulle part. Donc on dit qu'il aurait trouvé le Graal et qu'il est près de Rennes-le-Château, le Graal. Donc ils sont allés faire des enquêtes là-bas, ils fouillent dans tous les sens. Ils n'ont toujours pas trouvé, mais ils abandonnent pas. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tout simplement proposé aux gens qui seraient prêts à financer leur effort un partage de 2% sur le Graal, en admettant qu'ils le trouvent, et sur eBay. Hein, donc ce partage serait proposé sur eBay. Donc voilà l'idée. Les 2%, ça correspond au fait que si jamais nos deux amis trouvent le Graal, ils laisseront les mécènes qui leur ont donné de l'argent, ils les laisseront boire dans le Graal. Alors ils disent 2% du contenu. Ils disent non pas 2%, mais ils disent donc dans le règlement du truc, pas plus, oui. Si vous buvez effectivement dans le Graal, il y a une chance que vous atteigniez l'immortalité, donc c'est quand même cool. ou que vous soyez instantanément guéri de tous les maux. Donc voilà, ça vaut le coup de nous aider. Imaginez, vous nous aidez, on trouve le Graal, vous pouvez boire dedans, vous êtes immortel, c'est cool. Donc à mon avis, il y en a sûrement qui vont participer sur la base de cet argument, c'est clair. Donc voilà, ils cherchent toujours le Graal. Quelqu'un qui a une super grosse maladie, il boit dans le Graal et par manque de chance, hop, il est immortel et il n'a pas guéri de tous les maux. Voilà. Et garde sa maladie. Ils disent aussi toutefois qu'ils ne sont pas responsables des effets secondaires. Si jamais donc il se passe des trucs mauvais en buvant dans le Graal, oui, eux, ils ne sont pas responsables. Si vous avez vu Indiana Jones, voilà, se trompe de Graal. Aussi se désintégrer, donc voilà. Pas très gentil tout ça. Qu'est-ce que nous avons de sympathique ? Eh bien, nous avons donc un homme, un Allemand, qui, alors c'est fou, un Allemand qui voulait se suicider. Hein, c'est donc ce dont je te parlais en antenne, Thomas. Un Allemand qui a voulu se suicider en se jetant sous un train. Alors, il voulait se jeter sous les roues du train juste avant que le train ne passe. Alors le problème, c'est qu'il s'est un peu raté dans son timing, il a sauté trop tard et donc il a atterri dans la vitre du conducteur qu'il a traversé et il s'est retrouvé à côté du conducteur explosé sur le sol. Donc le conducteur en question a eu un choc, donc il a eu plusieurs semaines d'arrêt de travail parce qu'il était traumatisé. Et donc la cerise sur le gâteau, c'est que notre suicidaire va être obligé de payer la moitié des dommages qui ont été créés puisqu'il a pété une vitre, etc. Donc il va payer la moitié des dommages qui est public, qu'il a causé. Donc, non seulement il a raté son suicide, en plus il doit être assez amoché parce que bon, pour traverser la vitre d'un train, il a dû prendre cher, il a dû morfler, et il va payer la moitié des dommages. Donc voilà, si, c'est quand même une assez mauvaise idée. C'est le cauchemar, lui, il faut pas qu'il boive dans le Graal. Ah oui, non, lui, à coup sûr, c'est l'immortalité. Voilà, ça se passait donc à Berlin cette semaine. Voilà, il s'en passe des belles. En Allemagne, c'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Nous, en tout cas, oui, on a bien pris du plaisir à la faire. Restez avec nous sur A juste après, c'est la suite de nos programmes. Bisous, bye bye. Salut. Le bizarre, l'inclassable, le décalé sera